Comment pousser les bords du monde? Bob Dylan. Comment pousser les bords du monde? Un feuilleton de François Bon. Quatre. Mr. Dylan's voice is anything but pretty. You know I got a letter. It was addressed in red. New York, avril 1961. Finalement, ce qui étonne, c'est que cela puisse aller si vite. Il n'est pas seul à porter une guitare dans son étui sur les trottoirs de Greenwich Village, entre Times Square et McDougall Street, Bob Dylan. C'est ce qu'il raconte dans ses chroniques. Se lever à 11h ou midi, parce qu'on ne sait guère coucher avant l'aube, prendre la guitare et en route. On retrouve un copain au café, lui aussi le copain Mark Spolstra, a une guitare dans son étui et cherche un cachet. On a rendez-vous dans un troquet, pas bien clean, mais pas trop cher. Et puis voilà que ce matin-là, le patron a pris un coup de couteau dans le dos. Dylan, par l'amitié et le soutien de Dave Van Ronk, le géant roux, à ses entrées au Gaslight. Mais juste pour y jouer trois chansons. On y passe quand même la soirée. En bas, c'est tellement serré, on est tellement coincé dans la fumée et la chaleur, qu'à peine on a fini de jouer, on traverse la cour, on se retrouve avec les autres gratteux, Spolstra, mais aussi Phil Hawks, Danny Kalb, Tom Paxton, dans un galetas du deuxième étage. Où on joue aux cartes. Il y a un haut-parleur, on entend ce qui se joue en bas. On sait quand revient votre tour. Est-ce que c'est de Dave Van Ronk que Dylan a compris d'abord et d'un coup qu'il lui fallait abandonner le bel canto, la voix bien posée de l'étudiant de 20 ans, pianiste et musicologue, et de dérailler et railler tout cela? Van Ronk, Kalb, Spolstra et les autres diront de ses débuts: quand on jouait devant 10 personnes, si Bobby montait sur scène, il y en a 5 qui partaient. Mais pour les 5 qui restaient, il se passait quelque chose. On pigeait que ce mec ferait quelque chose. This guy would make it. De temps en temps, Dylan s'appelle à nouveau Robert ou Bobby pour téléphoner à son père et sa mère en PCV et demander un petit complément pour la fin du mois. Tu appelles d'où? De New York, capitale du monde. Ah, elle est bien bonne celle-là, répond le père. Friends, this evening, all I'm going to do is simply sing through some of my own favorite songs and hope that somewhere along the line, perhaps you can help me. Il y a aussi le Gerd's Folk, mais c'est l'étape au-dessus. Là ne jouent que les professionnels, sauf le soir du Hootenanny, le nom rituel pour la scène ouverte du folk. Il y a Cisco Houston, Pete Seeger, Ramblin' Jack Elliott. C'est une des choses qui le met sincèrement en colère, Dylan. Un type comme Pete Seeger, le plus américain de tous, ses ancêtres étaient dans le Mayflower, ses arrière-grands-pères ont fait la guerre de sécession, et lui, mis sous liste noire pendant McCarthy, pour avoir chanté l'égalité, parlé des ouvriers, des chantiers. Dylan a une vraie admiration pour Seeger. Le grand aîné le soutiendra en retour. Dylan joue les mêmes chansons, celles de l'histoire d'Amérique. Quand Pete Seeger, 2 ans plus tard, demandera à Bob, nouvelle star, de venir avec lui dans les villages du Mississippi où il est inconnu et jouer pour inciter les Noirs à s'inscrire sur les listes électorales, il l'accompagnera. On dira plus tard qu'il s'est montré calculateur, qu'il a utilisé chaque amitié pour grimper sur l'épaule de qui le soutenait, pour le laisser en arrière. C'est d'une dureté infinie de s'imposer en musique. Même ceux qu'il révère ou avec qui il partage le plus, Dave Van Ronk, Richie Evans, n'y parviendront pas comme lui y parviendra. Mais s'il suffisait de décider cela dans sa tête, d'adopter le comportement du calculateur cynique, non, ça ne suffirait pas, ça n'irait pas loin. Dylan a une chance de plus que ses copains à la guitare. L'harmonica. Il en joue très bien de l'harmonica. Et ce n'est pas trop dangereux pour les autres, un petit bonhomme venu de sa ville du Nord, avec encore sa bouille d'étudiant, même s'il s'habille avec une casquette à visière, une chemise à carreaux et des bottines à pointe ridicules, de façon aussi ridicule qu'il se prend pour Woody Guthrie, où raconte à tout le monde comment il le visite à son hôpital. Dylan, avec sa guitare, n'a pas le droit, hors le Hootenanny avec 20 autres, à la scène du Guards Folk, pas encore. Mais ceux qui y ont droit, parce qu'il s'agit pour eux aussi de faire mieux qu'on ne fait autrement, ne dédaignent pas de rajouter un harmonica. C'est en jouant de l'harmonica pour les autres que Dylan se fera d'abord remarquer. C'est pour jouer de l'harmonica sur un disque qu'on l'invitera pour la première fois dans un studio. Bien sûr, il en rêve comme les autres de son propre disque, Dylan. Sans doute, la guitare à la main sur le trottoir de New York, en comptant les trois pièces qu'il vous faut pour un hamburger au comptoir, on en compose les deux faces du disque qui s'appellera Bob Dylan. Dans 2 ans, dans 5 ans, ou tout de suite. Mais parce qu'il joue de l'harmonica, il sera en studio après 4 mois à New York, alors que d'autres, qui font cela depuis 2 ans, n'y ont jamais eu droit. Faire la première partie d'un chanteur au Guards Folk, il n'est pas le seul à en rêver. Phil Ochs, Spolstra et les autres l'ont fait avant lui. Quand c'est son tour, ce mois d'avril, c'est pour 10 jours à peine. Mais le chanteur tête d'affiche, c'est John Lee Hooker. La mode est à l'acoustique. En tout cas, au Guards, John Lee Hooker joue acoustique. De leur éventuelle rencontre, celui qui est en vedette et celui qui fait la première partie, aucun témoignage. Est-ce que le bluesman, déjà réputé, a seulement remarqué le débutant qu'on lui avait adjoint? Mais Dylan est une éponge, disent ses amis, et maintenant, il sait jouer à la façon de John Lee Hooker, battant le plancher de son pied gauche, pareil. On est en avril, son 4e mois de New York, et plus rien ne sera pareil. C'est un baptême, un lancement, même si tout modeste. Il a l'appui du patron, Mike Porco, qui se porte garant pour lui. Dylan n'a pas 21 ans, pour l'inscrire au syndicat des musiciens interprètes, sans lequel, pas de paye. Et puis, parce que ça s'est bien passé, prêt à recommencer. Il suffit juste d'attendre un peu. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a cela derrière soi? On rentre à Minneapolis comme d'autres rentraient à Charleville. Pour raconter comment on a joué en ouverture du Bluesman qui fait 1,5 fois votre hauteur, 2 fois votre poids. Mais est-ce qu'ils le croient, les copains, auxquels il a raconté tellement de bourdes? 2 choses sur ce retour, du bien, du moins bien. Le moins bien, c'est que Bonnie Beecher, la petite amie pour laquelle il revient, a pris un autre copain. Ça le mâche, Bobby, qui apparemment ne s'y attendait pas. Le temps passe si vite, à New York. Et le bien, il revoit Tony Glover, un passionné de folk, avec lequel il n'est jamais d'accord, mais on discute des nuits entières. Glover a un magnétophone, et 3 fois, à quelques mois d'intervalle, il enregistrera, juste comme ça, dans sa propre chambre ou chez les Beecher, le magnétophone posé sur une table, ce que joue Bob Dylan et même une partie de leur discussion. C'est les Minnesota Tapes. En 3 séances, pas loin de 70 chansons. Tout ce que Dylan sait jouer des autres. Start out in E minor. C'est ainsi que rentre le métier. Il y a l'été, il y a l'automne. Si on compte en hamburgers et en trottoirs de New York, crevant maintenant d'étouffement et de chaleur à traîner l'étui de la guitare, ce sont deux dates jointives dans la biographie de Bob Dylan. Mais ce sont des jours, des semaines, des mois qu'il faut porter heure après heure, avec pour horizon le gaslight et la guitare, et le Gerds avec l'harmonica, en accompagnement de qui veut. J'aimais bien vivre chez les autres, dit Dylan dans ses chroniques. Il y avait plein de livres sur les étagères, des piles de micro-sillons, et parfois j'avais la clé. Il dort beaucoup, par exemple, chez Ray et Chloé. Ray est chanteur de folk. Il a enregistré une trentaine de disques, mais sans jamais être reconnu. C'est par Van Ronk que Dylan les a connus. Elle, elle a un boulot quelque part, et chez elle fait de la sculpture. Le canapé est à sa disposition. Il ne dort pas que chez eux, il s'héberge aussi chez Van Ronk ou à Brooklyn. Mais Ray et Chloé, dans la journée, lui laissent l'appartement, et il y a une grande pièce sans fenêtre, avec une révélation, des livres jusqu'au plafond. Dylan le dit très simplement. Avant, il n'a pas lu. Ici, il commencera par les livres d'histoire, et bizarrement, peut-être, d'abord par les Romains, parce que c'est un autre regard sur sa communauté juive, ou bien parce que les jeux politiques décrits par Tite-Live et Tacite vous arment parfaitement pour la jungle qu'est le petit milieu musical de la capitale. Il lit des biographies d'hommes de guerre, ou Clausewitz. Il tente de se mettre à Freud, mais ça fait sourire Ray et Chloé, alors il le remet sur les étagères. Il aimera beaucoup Balzac, qui le fait rire avec ses musiciens, comme le cousin Ponce, ou ses rêveurs, comme dans La peau de chagrin. Il l'appelle Mr. B, familiarité qui ne me déplaît pas. Mais il vénère bien plus Tolstoï, et plus tard se rendra dans sa maison, obtiendra même du gardien d'enfourcher la bicyclette du vieux comte. Ces quatre mois qui séparent les deux lignes de date dans les biographies de Dylan sont aussi une bibliothèque. Des poètes américains, Walt Whitman, Edgar Poe, pour qui il aura une vénération, c'est là, chez Ray et Chloé, qu'il les lit, dans les après-midi vides. Il ne dit pas qu'il écrit, pas encore. Écrire ses chansons, c'est un mystère. Woody Guthrie a trouvé une des clés. Dylan, dans ses après-midi à l'American Folklore Center, il la cherche encore, la clé. Il est trop tôt. Pendant plusieurs semaines, il va en bibliothèque. Reprend systématiquement les affaires et les faits divers des années 1860. Les légendes qu'il chante, en trouvait peut-être une d'oubliée. Leaving the towns I love the best. Thought I seen some ups and downs till I come into New York town. C'est en septembre que tout va s'accélérer brusquement. Mike Porco le reprend au Gerds, cette fois en première partie des Greenbrier Boys, un trio bluegrass. Robert Shelton, un jeune journaliste passionné, est lui aussi de Chicago. Il y a cette solidarité du Nord. Il débute au New York Times. Et pour se faire repérer comme journaliste, il lui faut défendre ce dont ses collègues ne parlent pas. Les collègues parlent du jazz, lui il parlera du folk. Ce sera à propos de cette drôle de voix nasillarde venue de son propre pays. « Mr. Dylan's voice is anything but pretty », dit-il. On ne peut pas dire que M. Dylan ait vraiment une belle voix, mais qui transporte de façon rageuse et neuve les vieilles chansons du patrimoine, dit-il encore. Et quelques jours après l'article, la visite de John Hammond en personne. Les gens comme John Hammond, outre le fait d'être grand et bien habillé dans ces clubs folk où personne ne roule sur l'or, on les repère bien avant qu'ils s'adressent à vous. Hammond travaille pour les disques Columbia. Il a produit et révélé des musiciens importants. Il a une marge de décision qu'on respecte. Il a entendu Dylan jouer de l'harmonica lors d'une séance d'enregistrement pour une jeune chanteuse du Texas, Caroline Esther. Il lui dit qu'il fera de nouveau appel à lui pour l'harmonica, mais après l'article, il vient l'écouter au Gerds et lui propose d'enregistrer. Si on faisait un disque, tu mettrais quoi dessus ? À vrai dire, ce n'est pas très difficile. À Columbia, ils ont un studio à demeure, au 7e étage de l'immeuble. Il suffit d'un micro suspendu dans la pièce insonorisée et de faire tourner le magnétophone. On est à l'automne 1961 et aucun de ses copains n'a déjà cette chance-là. Lui, le nasillard, lui dont tout le monde dit qu'il chante de travers, lui que personne ne supporte à force qu'il se prenne pour le nouveau Woody Guthrie, c'est à lui que John Hammond propose un disque. À vrai dire aussi, un tel contrat n'engage pas la maison de disques à de grands risques. Si ça marche, on retrouvera ses bénéfices. Si ça ne marche pas, on n'aura pas engagé de tels frais. Dylan dit qu'il ne lit même pas le contrat. On est au mois de novembre. Il suffit de deux après-midi et d'un micro suspendu au milieu. Il n'a plus la guitare Martin, mais à nouveau une Gibson, un modèle de 1950, celle de Dave Van Ronk, empruntée probablement, ou bien la tirelire familiale à nouveau sollicitée pour en changer. Dylan reste discret. Il dit que cela n'a pas d'importance, que l'essentiel c'est ce qu'on a dans la tête, qu'il vaut mieux qu'ensemble on parle d'Edgar Poe ou de Balzac. John Hammond dira que ça n'a pas été facile. Dylan refuse de faire une deuxième prise. C'est jamais aussi bon que la première, prétend-il. Alors, on jouera 15 chansons, celles du tour de chant, et on prendra ce qui sonne le mieux. C'est une période où, sur scène, Dylan refuse même d'accorder sa guitare. C'est le moyen qu'il a trouvé pour que ça déraille vers la matière, il dit. Qu'il n'y ait que ce rythme en avant, cette idée blanche de l'harmonie, comme palpée de l'intérieur, à tâtons. Hammond dit qu'il plope les P, siffle les S, tourne la tête de côté par rapport au micro, et n'accepte pas qu'on lui en fasse la remarque. Dylan mettra longtemps pour accepter l'idée qu'on ne fait pas un disque de la même façon qu'on monte sur scène au Gerds ou au Gaslight, qu'il faut un autre niveau de précision. Mais en studio, ce qu'il a compris, et que John Hammond n'aurait pas eu le culot de provoquer, c'est qu'il faut mettre en avant d'abord le personnage, la posture, l'énergie, et la difficulté pour le son à émerger de la guitare, de la voix éraillée. Et tant pis si ça paraît moins beau, que ça énerve ceux qui l'écoutent. Le chemin est par là. En 6 mois, il s'en vendra 4 000 de disques. En 1 an, 5 000. Pas assez pour un succès, et de loin. On dit de ce genre de ballon d'essai, John Hammond's Folly, les petites folies de John Hammond. Pas sûr que Columbia recommence. Mais assez pour devenir dans la tête un vrai chanteur, un professionnel. Assez pour le tremplin, l'escalade. Bob Dylan ? Bien sûr qu'il existe. Il a même fait un disque. Jean-François Néolier, Julien Douminque, Ella Marder, Annabelle Brouard, Claude Guerre. Comment pousser les bords du monde? Bob Dylan. Un feuilleton en 15 épisodes, written and talked, écrit et raconté, par François Bon. Demain, cinquième épisode. Comment la politique vint à rase.